est faite pour vous prêcher la vérité dans l'amour. Et sur ce, m'en vais vous dire qu'en s'aimant les uns et les autres, on arrivera un jour à se comprendre pour pouvoir vivre en paix. C'est pourquoi ma tournée au Cameroun m'a inspiré et j'ai pu sentir l'accueil et l'enthousiasme des mélomanes et mes amis les journalistes, combien l'amour réunit les hommes. Je remercie le Cameroun de m'avoir inspiré. pensar. Dans du tango, poisson à la braise. Ne